À l'occasion de la nouvelle année 106 du Juche 2017, le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens au Japon a fait parvenir le 1er janvier un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. En voici le résumé. Nous nous rappelons avec émotion l'année dernière historique où le 7e congrès du Parti du Travail de Corée a manifesté dans le monde la victoire et la gloire de l'invincibilité du grand parti du Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme, et où on a créé l'âge d'or de la révolution coréenne avec le renforcement de la position de la Corée de Sungun, puissance nucléaire de l'Orient, sous la direction éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un. Vraiment, le dirigeant suprême est un grand homme qui fait progresser la victoire de l'œuvre révolutionnaire Juche et l'œuvre socialiste, et un grand dirigeant qui crée le brillant avenir de la nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il, puissance éternelle. Il est le bienfaiteur de la vie qui s'occupe de l'Association générale des Coréens au Japon, et il est le leader qui considère l'Association générale des Coréens au Japon comme l'organisation exemplaire du mouvement des compatriotes du monde. Nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de l'œuvre révolutionnaire Juche, et notre père affectueux.